contact, ton mic comme back, ma clique débarque dans tous les bacs, clac. A chaque attaque, c'est long du mat, on plate en back, mat. Ou la roue, clac, flat, taille, go, sous troisième acte. Autodidacte, ok, c'est vrai, j'ai le bac en sac. Quoi que c'est la rue, c'est trap qui m'ont forgé mes swat. J'ai ton du tact, des flots, des mots, des rimes exactes. J'ai choisi d'être MC, me battre pour mes cours, c'est impact. Impact verbal comme des balles, je transperce les dalles. Cale instrumental, mon freestyle vocal fait scandale en bas, les vandales. J'balais le mal, tous les sales, MC, les sales, hexagonales. Clica chirurgical, pour en rap médicinal. Lifting complet, on dérive de rap français. On vire les bons mortels, on redonne au hip hop un bon aspect. Vaccin anti-bide, on clipule comme des bactéries. J'continuerai même si j'vois tes tous les MC. Soy mero mero, primero de los raperos. Toreo como un llanero, rumbero, pero aquí rompo el cuero. Saga, légende rap titanique. On trahira pas notre public. Mon rap flow progresse. Interpelle ton attention, c'est bien les bides où on laisse. Mon rap flow progresse. Interpelle ton attention, rap contact. Mon rap flow progresse. Interpelle ton attention, c'est bien les bides où on laisse. Mon rap flow progresse. Rap contact médicinal. Ça y est, c'est reparti pour un nouveau rap contact 3. Tu seras pas déçu si maintenant on se la raconte à 3. Daddy Lord, moi-même, Oka et mon pote Raphaël. Penses-tu que ça nous gêne pour signer des autographes à ce que je dégage enfin mon phrasé. Et mes rimes correspondent aux côtés dénieux. À la hargne, au lâche rien correspond. Lyrique lourd, franc parler, pas de gimmick ni de sacerdoce. Sur vinyle ou mixtape ou wack MC que ça sert d'os. J'dirais pas que l'usage de ma musique, même si elle est bonne, c'est à transformer les mecs en curés, les jeunes filles en bonnes sœurs. J'avoue, j'ai pas trop de mal à faire valoir mon côté bosseur. Je demeure plutôt facile, c'est vrai quand t'es boxeur. Mon son, ma mélodie, j'en conviens, ne paraît pas bien douce. C'est pas pour autant, tu ne danseras pas, dessus au bain douche. Sinon ça se passe bien tranquille, franchement. Sans ça coule, ce soir faut que ça le fasse sans embrouille. Sans que le sang ça coule pour que ça colle. Que le mot bon à ton surnom ça colle. La foule soit devant toi, pareil un toxico sans ça colle. Pourquoi tu tailles? J'ai pas l'humour d'Yves Duteil. Pourtant je suis taille, tu prends une table, claque une bouteille. Mon rap flow progresse. Interpelle ton attention, c'est bien les bides où on laisse. Mon rap flow progresse. Interpelle ton attention. Rap contact. Mon rap flow progresse. Interpelle ton attention. C'est bien les bides où on laisse. Mon rap flow progresse. Rap contact médicinal. Contact au mic de manière stratégique. Pour ma clique, mon public. Ça va plus loin que la flambée de fric. Les vibes, la notoriété prennent le dessus. Sois le bienvenu, du rôle plus autre garde la rue. J'donne du rap pur et dur, ramène le hip hop à sa base. Truer mon écriture, goûte à la construction de mes phrases. J'essaie de mériter mon nom pour garder ma position. Croire en ma puissance sur le son pour m'imposer pour de bon. Dans la musique, tout doit être géant. Le but est d'élever un maximum de gens avec un maximum de sentiments. Flow, infatigable, hors du commun. Chaque jour, je me concentre sur ma situation, mic comme un frangin. 1 pour ma mif, 2 pour mes amis, puis 3 pour le cash, pour la vie et la foi qu'il y a en moi. Plus que jamais, j'avance au regret sans cesse. Même si béni de sagesse, mon rap flow progresse. Tu veux du style, mon crew débarque, mon utilise ustensile. Fallait pas nous appeler, maintenant nous v'là dans toutes les villes. Mon rap flow progresse. Tiens les bides où on laisse. Mon rap flow progresse. Interpelle ton attention. Rap contact. Mon rap